Manque de Sarah Kane. Je veux dormir à tes côtés et faire tes courses et porter tes sacs et te dire comme j'aime être avec toi. Et je veux jouer à cache-cache et te donner mes vêtements et te dire que j'aime bien tes chaussures et m'asseoir sur les marches pendant que tu prends ton bain et te masser le cou et t'embrasser les pieds et te tenir la main et sortir dîner sans m'énerver quand tu manges dans mon assiette. Te retrouver au Rudy et te parler de la journée, et taper ton courrier et te porter tes affaires et rire de ta paranoïa, et te donner des cassettes que tu n'écoutes pas, et regarder des films géniaux et regarder des films nuls, et me plaindre de la radio et prendre des photos de toi quand tu dors et me lever pour aller te chercher du café et des bagels et des feuilletés et aller au Florent boire un café à minuit. Et te laisser me voler mes cigarettes sans jamais être fichu de trouver une allumette. Et te parler du programme que j'ai vu la veille à la télé. Et t'emmener à la clinique des yeux. Et ne pas rire à tes blagues. Et avoir envie de toi le matin, mais te laisser dormir. Et t'embrasser le dos et te caresser la peau. Et te dire comme j'aime tes cheveux, tes yeux. Tes lèvres, ton cou, tes seins, ton cul, ton... Et fumer seul, assis sur les marches, jusqu'à ce que ton voisin rentre. Et fumer assis sur les marches, seul, jusqu'à ce que tu rentres. Et m'inquiéter quand tu es en retard. Et m'émerveiller quand tu es en avance. Et te donner des tournesols. Et aller à ta fête et y danser. Et en devenir bleu. Et me trouver désolé quand je suis dans mon tort. Et heureux quand tu me pardonnes. Et regarder tes photos. Et désirer t'avoir toujours connu et entendre ta voix dans mon oreille et sentir ta peau contre ma peau et avoir peur de tes colères quand tu te retrouves avec un œil tout rouge et l'autre bien bleu, les cheveux du côté gauche et ton visage qui prend un air oriental et te dire que tu es splendide et te serrer contre moi quand tu es anxieuse et t'étreindre quand tu as mal et te vouloir rien qu'à sentir ton odeur et te blesser quand je te touche, et gémir quand je suis à tes côtés, et gémir quand je ne suis pas, et bavoter sur tes seins, et te recouvrir dans la nuit, et avoir froid quand tu tires sur la couverture, et chaud quand tu ne le fais pas, et m'attendrir quand tu souris, et fondre quand tu ris.